j'ai jamais terminé de coudre. Je vogue sous le vent asthmatique du sud. Je force le temps du changement pour qu'arrive avant son heure, son lieu, son temps. Fige-moi le temps d'une seconde. Ficeler ma voix. Si je suis seul au monde, je dérive sans boussole. C'est pas un appel à l'aide, c'est plus un vœu de silence. Travers les hymnes et les courants d'air, le jour s'achève sur mon voilier en papier mâché. Fige-moi le temps d'une seconde, ficeler la voix à l'ombre des regards. Le temps d'une seconde, ficeler la voix à l'ombre des regards, ficeler la voix. Je vogue sous des voiles que j'ai jamais terminé de coudre.